Troisième partie, chapitre 34 de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gillian Hendry. Introduction à la vie dévote par Saint-François de Sales. Troisième partie, chapitre 34. Quand on peut jouer ou danser. Pour jouer et danser licitement, ce doit être par récréation et non point par inclination, pour peu de temps et non pas jusqu'à se fatiguer, rarement et non point par manière d'occupation. Mais en quelle occasion peut-on jouer ou danser? Les justes occasions de la danse ou d'un jeu indifférent sont plus fréquentes. Celles de jeux défendus, qui sont bien plus blâmables et plus dangereux, sont plus rares. En un mot, danser et jouer en observant les conditions que je vous ai marquées, lorsque la prudence et la discrétion vous conserveront cette honnête complaisance pour la compagnie où vous vous trouverez, car la complaisance, qui est comme un exercice de la charité, rend bonnes les choses qui sont indifférentes. Elle permet celles qui sont dangereuses. Elle rectifie même celles qui sont mauvaises par rapport à quelques règles. Et c'est pourquoi les jeux de hasard, qui sans cela seraient blâmables, ne le sont pas, si une juste complaisance pour le prochain nous y engage quelquefois. J'ai été consolé d'avoir lu, en la vie de Saint Charles Borromée, qu'il usait de cette condescendance avec les Suisses, en de certaines choses, dans lesquelles il était d'ailleurs fort sévère, et d'avoir appris que le bienheureux Ignace de Loyola, ayant été invité à jouer, accepta l'invitation. Sainte Élisabeth d'Hongrie jouait et se trouvait aux assemblées de divertissement, sans y perdre de sa dévotion. Les rochers qui sont autour du lac de Rieti croissent à proportion qu'ils sont battus des vagues. Ainsi, la piété était si enracinée dans l'âme de cette sainte qu'elle prenait de nouveaux accroissements au milieu des pompes et des vanités auxquelles son état l'exposait. Le grand feu s'enflamme au vent, mais le petit s'y éteigne si on ne le couvre bien. Fin de chapitre 34, troisième partie.